Chapitre 26e. Tous les ans, le marquis allait passer les mois de décembre et de janvier à Paris, puis il y retournait en avril et en mai à la saison des courses. Mais cet hiver-là, il ne fit pas son voyage habituel. Aussi, ce fut-il, pour les habitants de Rudemont, un sujet de curiosité et par suite de conversation, que cette dérogation à une règle jusqu'alors fidèlement observée. « Pourquoi Arthur ne va-t-il pas à Paris cette année ?» demanda M. de Carquebeu à sa sœur. « T'a-t-il donné les raisons qui le retiennent ici ?»« Il ne m'a rien dit à ce sujet et je ne lui ai rien demandé. Je les devine. »« Quelles sont-elles ? Je les garde. Sache seulement que c'est à cause de moi. » avait-il répondu d'un ton bourru. Et de fait, il était de fort méchante humeur, car ce voyage manqué dérangeait toutes les dispositions qu'il avait prises pour son hiver. C'était pendant ses absences du propriétaire de Rudemont qu'il avait l'habitude d'inviter ses amis personnels au château, c'est-à-dire de solides gaillards qui savaient vider une bouteille et chanter une chanson. Marchands de chevaux, éleveurs de bœufs, marchands de foin ou de bois, tous gens que le marquis tenait à distance parce qu'il était entiché de sa noblesse, mais que lui, Artem Fabu de Carquebeu, admettait au nombre de ses amis parce qu'un homme voit un homme. Alors on déjeunait longuement, au grand scandale de Madame Mérou, qui, de son appartement qu'elle gardait, entendait les éclats de rire des convives. Puis, après le déjeuner, on faisait de formidables parties de domino ou de pamphile, qui se prolongeaient jusqu'au dîner. On quittait la table de jeu pour la table de la salle à manger. Les rires et les chansons recommençaient, et dans le milieu de la nuit, les paysans de Mulsan étaient réveillés par des voitures qui descendaient la côte de Rudemont à toute vitesse et traversaient le village comme un ouragan. C'étaient des cris et des batteries de coups de fouet qui faisaient trembler les vitres. Mais à moins qu'une voiture ne versât ou qu'un cheval ne s'abattît, ce qui arrivait quelquefois, on ne s'inquiétait pas de ce tapage. « C'est M. de Carquebeu qui a donné à dîner à ses amis, disait-on, et on se rendormait. » C'était aussi pendant ses absences que le cousin Artem faisait faire au château ou dans le parc les travaux et les changements qui lui convenaient. Il pensait à l'avenir et dès le présent, il l'arrangeait à son gré pour le jour où Rudemont lui appartiendrait, en toute propriété. Lorsque le mari revenait de Paris et qu'il trouvait ses changements exécutés sans son consentement, et très souvent contre son goût et ses intentions, il se fâchait contre le cousin. Mais celui-ci ne prenait pas souci de ses fâcheries. Il avait fait ce qu'il voulait, il se moquait du reste et à l'occasion il recommençait. « C'est dans l'intérêt de la terre de Rudemont, disait-il. C'est plus fort que moi, je ferai toujours et malgré tout ce qui est dans l'intérêt de la terre de Rudemont. Si ça ne vous va pas, mon cousin, séparons-nous, j'aime mieux ça. » Le marquis, qui avait horreur des querelles, cédait devant les menaces de ce parent dévoué. Il acceptait les changements, et en fin de compte, il payait les mémoires des entrepreneurs. Il faut être indulgent. Si, en temps ordinaire, M. de Carquebeu tenait vivement à ce voyage à Paris, qui lui assurait tant de satisfactions de toutes sortes, cet hiver-là, il l'attendait plus impatiemment encore que de coutume, car il avait arrangé pour ce moment de petites combinaisons qui ne pouvaient réussir que si le marquis ne venait pas se jeter au travers. D'abord, il se débarrassait de Denise, ou tout au moins, il lui rendait la vie si dure qu'elle devait demander à quitter Rudemont. Comment s'y prendra-t-il pour arriver là? Il ne le voyait pas très bien, mais la liberté lui donnerait des idées, et alors il trouverait quelques moyens énergiques pour envoyer à Paris cette voleuse d'héritage. Ensuite, il triomphait des dernières résistances de l'institutrice, qui pourrait suivre son élève le jour où le caprice qu'il avait pour elle serait satisfait. Jusque-là, il avait dû se contenter de lui presser la main quand il pouvait la joindre dans un corridor, ce qui d'ailleurs arrivait assez souvent. Mais ce genre de plaisir était insuffisant pour un homme tel que lui. Insuffisant aussi étaient les sourires qu'elle lui accordait, insuffisant enfin les joies qu'il éprouvait à la regarder au piano. Il voulait plus. Et le moment où le marquis ne serait pas au château serait favorable à l'exécution de ce dessein. Dut-il faire une fausse clé? Dut-il enfoncer sa porte? Il entrerait dans sa chambre, et alors elle serait à lui. Si après, elle voulait faire usage de ses lettres, libre à elle, il serait le premier à rire. Aussi sa déception avait-elle été grande, avait-elle été vive, lorsqu'à la fin de novembre, il n'avait pas vu le marquis se préparer à partir. « Ce sera pour les premiers jours de décembre, s'était-il dit. » Et il avait remis aux 10 ou aux 15 les amis qu'il avait invités pour le premier. Mais la première semaine de décembre s'était écoulée, puis la seconde, puis la troisième, et il avait fallu se rendre à l'évidence, le marquis n'irait point à Paris. Longtemps il avait cherché les raisons qui pouvaient retenir le marquis, et à la fin, il était arrivé à cette conclusion que c'était la crainte de le laisser lui, Arthème, seul au château. « Il a peur de moi », s'était-il dit. Et cette forfanterie avait été un dérivatif à sa colère. Car, si d'un côté il était fâché de renoncer à ses combinaisons et à ses plaisirs, d'un autre côté il était fier de penser qu'il gênait le marquis en même temps qu'il lui faisait peur. En cela, cependant, il se trompait doublement. Il ne gênait pas plus le marquis qu'il ne lui faisait peur. Si, ordinairement, M. de Rudemont allait vivre quelques mois à Paris, c'était parce qu'il s'ennuyait au château dans la compagnie de sa cousine et de son aimable cousin. Cette année-là, ne s'ennuyant pas et n'étant plus réduit pendant les mauvais mois de l'hiver à la seule société de la sœur et du frère, il ne pensait pas à partir. C'était bien simple, ses après-midi étaient occupés par les leçons de Denise, ses soirées par la musique ou la conversation. Qu'irait-il faire à Paris ? Lorsque les premiers beaux jours de mars arrivèrent, il voulut lui aussi donner des leçons à Denise et lui apprendre à monter à cheval. Denise fut enchantée de cette idée. Elle pourrait accompagner son parrain dans ses promenades, et puis la jupe longue et le petit chapeau furent pour elle un ravissement. Mais elle n'avait jamais monté à cheval que sur l'âne à roulette que son parrain lui avait donnée, et encore à califourchon. Lorsqu'il fallut s'asseoir sous une selle de femme, laquelle selle était posée sur le dos d'une jument qui secouait la tête et pliait les reins, elle commença à trouver que la jupe longue n'était pas aussi agréable qu'elle l'avait cru lorsque le tailleur de Condé l'avait apportée dans sa chambre. Elle ne manquait pas de hardiesse cependant, et si elle avait pu monter à califourchon et se tenir à la crinière de la jument, elle se fût bien lancée au galop dans une allée du parc. Mais il ne s'agissait pas de se cramponner à la crinière et de partir au galop. Il fallait aller au pas et prendre les attitudes que le marquis indiquait. C'était difficile. Et ce qui pour elle compliquait encore la difficulté, c'était son ardent désir de bien faire ce que son parrain lui demandait. L'angoisse la paralysait. Bien entendu, l'institutrice assistait à cette leçon, et de temps en temps elle intervenait pour encourager Denise ou pour la guider. À un certain moment, comme Denise ne comprenait pas, elle reprit l'explication du marquis et la rendit si claire que tout de suite la difficulté fut vaincue. « Vous montez à cheval ?» demanda le marquis. « Un peu, » dit-elle. « Eh bien alors, si vous le voulez, vous pourrez nous aider à simplifier ces premières leçons. Pour cela, il faudrait tout simplement que vous consentissiez à monter à cheval aussi. » En vous voyant faire, Denise irait beaucoup plus vite qu'en écoutant toutes mes démonstrations. « Je serais heureuse d'être votre élève, monsieur le marquis, seulement... » Elle n'acheva pas, mais son regard expliqua avec un embarras charmant qu'elle ne pouvait pas monter à cheval en robe courte. « Je ne vous demande pas ce service à l'instant même, » s'empressa de répondre le marquis, « seulement... » Tantôt, en vous promenant, vous pourriez aller à Condé vous commander une toilette de cheval pareille à celle de Denise. « Oh, quel bonheur !» s'écria celle-ci. « Demain, » continua le marquis, « on viendra vous l'essayer. Et après-demain, dans 3 jours au plus tard, si vous voulez presser le tailleur, nous pourrions reprendre cette leçon d'une façon plus profitable à Denise. » Comme elle restait sans répondre, « Cela vous contrarie ?» demanda le marquis. « Je cherche un mot pour vous remercier. » « Et c'est parce que je ne trouvais rien que de niais que je gardais le silence. »« Alors, c'est entendu. Ne vous occupez pas de la selle, j'irai moi-même la commander tantôt. » 3 jours après, comme le marquis l'avait désiré, la toilette de Madame Beaujonnier arriva à Rudemont. Ce jour-là, le déjeuner fut le plus rapide que de coutume, et aussitôt après, Denise et son institutrice montèrent à leur appartement, d'où elles redescendirent, au bout d'une demi-heure, prêtes à prendre leurs leçons. Elles entrèrent en se tenant par la main dans le salon où se trouvaient le marquis et M. de Carquebus. « Les deux grâces !» s'écria celui-ci qui avait oublié le nombre classique des déesses. L'exclamation était plus ridicule par la forme que par le fond. Elles étaient vraiment charmantes toutes deux, la grâce même. L'une brune, l'autre blonde, Clémence avec les séductions de la femme, Denise avec le charme de l'enfance. En disant qu'elle montait un peu à cheval, Clémence avait, comme d'ordinaire, exagéré la modestie. Elle montait au contraire admirablement. À la façon dont elle s'assit sur sa selle et rassembla les rênes, le marquis vit tout de suite qu'il n'allait point avoir une élève. « Mon mari m'a donné quelques leçons, » dit-elle en souriant, « et c'était un bon professeur. » Quand elle parlait de son mari, c'était toujours comme de quelqu'un qui n'existait plus. Elle le pleurait et faisait son éloge avec l'émotion d'une veuve inconsolable. La leçon fut longue et cependant elle parut courte au marquis. Il donnait ses explications à l'institutrice, et celle-ci aussitôt les répétait à Denise en exécutant elle-même ce qui était demandé. « Regardez-moi, » disait-elle à chaque instant. Mais il n'y avait peu que l'élève qui la regarda. Le maître aussi tenait ses yeux fixés sur elle, et, dans ses yeux, Clémence voyait briller une flamme que jusqu'à ce jour elle n'y avait jamais vue. Le marquis était rajeuni de 10 ans. Était-ce l'ardeur qu'il mettait à donner cette leçon qui le transfigurait ainsi? Était-ce un autre sentiment? Là était la question. Pour M. de Carquebus, se tenant sur la pelouse, immobile, les jambes arquées, les yeux grands ouverts, le cigare aux lèvres, la cravache à la main, il murmurait, de temps en temps, en mâchonnant son cigare. Est-elle souple?